Chant numéro 10. Regardant en son fils, avec ce même amour qu'ils respirent les deux pour des siècles sans fin, la puissance première est impossible à dire, avec tant d'ordre a fait tout ce que l'on conçoit par l'esprit et les sens, que lorsque l'on y pense, on ne peut le comprendre ou le voir sans l'aimer. Lève donc, ô lecteur, ton regard avec moi vers les sphères d'en haut, au point précisément où l'un des mouvements se pénètre avec l'autre, et deviens amoureux de cette omniscience du Maître, qui si fort aime son propre ouvrage qu'il n'en détourne pas les yeux un seul instant. Vois comme c'est de là que vient se séparer obliquement le cercle où restent les planètes, afin de contenter le monde qu'il appelle. Et si leur route ici n'était pas inclinée, bien des forces du ciel iraient se perdre en vain, et les vertus là-bas resteraient presque mortes. Ou si l'écart était plus ou moins important sur l'horizon, en haut, aussi bien qu'à la base, l'ordre de l'univers serait plus imparfait. Garde ta place au banc, ô lecteur, méditant aux choses dont ici je t'offre les prémices, et tu seras content bien avant d'être lasse. Voici ton aliment. Sers-toi seul désormais, car pour moi, tous mes soins seront accaparés par l'unique sujet dont je suis l'interprète. Le premier serviteur de toute la nature, qui baigne l'univers dans la vertu du ciel et qui, de sa clarté, mesure notre temps, se trouvait sous le signe indiqué tout à l'heure et roulait maintenant avec les mêmes orbes où nous l'apercevons chaque matin plus tôt. Je m'y trouvais déjà, mais sans me rendre compte que je montais vers lui, comme l'on ne sent pas en pensée nous venir avant qu'il n'ait pris corps. Béatrice, en effet, conduit du bien au mieux, d'une telle manière et si soudainement que tous ses mouvements ignorent la durée. Comme devaient-ils être étincelants eux-mêmes, ce qui faisait demeure au soleil où j'entrais et dont on distinguait l'éclat, non la couleur. J'invoquerai en vain art, métier ou génie, car pour l'imaginer il faut plus que m'en dire. On peut pourtant y croire et rêver de le voir. Ce n'est pas étonnant si notre fantaisie, pour de telles hauteurs, reste toujours trop basse, puisque l'œil n'a jamais soutenu le soleil. Telle restait là-haut la quatrième famille du Père Tout-Puissant, qui la comble toujours, lui faisant voir comment il insuffle et engendre. Béatrice se prit à me dire « Rends grâce au soleil des anges, dont la grâce t'a permis de monter à ce soleil sensible. » Jamais un cœur mortel ne fut mieux préparé dans ses dévotions pour l'abandon à Dieu avec tant de bonheur, ni plus rapidement que je l'étais alors, au son de ses paroles, et mon amour mortel se mit si fort en lui que l'aile de l'oubli me cacha Béatrice. Mais cela ne dut pas lui déplaire. Elle en rit, si bien que la splendeur de son regard heureux de mon attention divisa l'unité. J'aperçus des lueurs vives et pénétrantes former autour de nous une belle guirlande, la douceur de leur voix surpassant leur éclat. C'est ainsi que parfois, quand l'air est plus épais, la fille de la Thône apparaît entourée d'un halo qui retient le fil de sa ceinture. Au ciel, dans cette cour dont je suis revenu, le nombre est infini des joyaux chers et beaux qu'on prétendrait en vain sortir de leur royaume. Le chant de ces clartés en est un des plus beaux. Qui n'aura pas assez de plumes pour s'y rendre, attende qu'un muet lui dise ce que c'est. Lorsqu'en chantant ainsi, ces soleils embrasés eurent tourné trois fois autour de nos personnes, comme l'étoile tourne autour des pôles fixes, je crus voir s'arrêter une ronde de dames, silencieusement, attendant que commencent les premiers mouvements de la prochaine danse. Et de l'un de ces feux, j'entendis qu'on disait « Le rayon de la grâce, à la flamme duquel s'allume l'amour vrai, qui s'augmente en aimant, en toi se multiplie et resplendit si fort qu'il te mène là-haut, le long de cette échelle que nul ne descendit sans pouvoir remonter. Qui te refuserait de sa gourde le vin à l'heure de ta soif ne serait pas plus libre qu'un fleuve qui s'enlise et ne voit pas la mer. Tu voudrais bien savoir de quelle plante s'orne la guirlande qui forme à cette belle dame qui t'enseigne le ciel une cour tournoyante. Je fus l'un des agneaux de ce troupeau sacré conduit par Dominique, dans un sentier qui fait que l'on s'engraisse bien, à moins qu'on ne s'égare. Celui qui sur ma droite est mon proche voisin fut jadis mon confrère et mon maître à la fois. C'est Albert de Cologne, et moi, Thomas d'Aquin. Et si tu veux savoir qui sont aussi les autres, suis avec le regard le fil de mon discours, fais avec moi le tour de l'heureuse couronne. Ce beau pétillement sort de l'heureux sourire de Gratien, qui rend de si brillants services à l'un et l'autre droit qu'il plaît au paradis. Le suivant, qui plus loin embellit notre cœur, est ce Pierre qui fit, à l'instar de la pauvre, offre à la Sainte Église de son meilleur trésor. La cinquième clarté, parmi nous la plus belle, respire un tel amour qu'au monde de là-bas, on éprouve toujours la soif de ses nouvelles. Dans son intérieur est cette intelligence d'un savoir si profond que si le vrai dit vrai, nul second n'a surgi qui pût voir aussi loin. À ses côtés se tient l'éclat de ce flambeau qui, de tant de sa chair, avait mieux que nul autre pénétré la nature et l'office angélique. Et dans l'autre splendeur qui sourit près de lui reste le défenseur des premiers temps chrétiens. Augustin s'est souvent servi de son latin. Or, si de ton esprit le regard est venu de lumière en lumière, en suivant mes louanges, il te reste la soif de savoir la huitième. C'est là qu'en contemplant le suprême bonheur, jouit cet Esprit Saint, qui du monde trompeur, à qui sait le comprendre, a découvert les pièges. Quant au corps dont l'esprit a dû se séparer, il repose à ciel d'or, et au bout du martyre et de l'exil, son âme a trouvé cette paix. Au-delà, tu peux voir briller le souffle ardent d'Isidore, de Bède et celui de Richard, d'un esprit plus qu'humain comme contemplateur. Celui d'où ton regard s'en retourne vers moi est le repos d'une âme à qui la mort semblait venir trop lentement pour ses graves pensées. C'est l'éclat éternel de Sigé, qui jadis, lisant rue aux foires, avait syllogisé des vérités d'où vint l'aliment à l'envie. Puis, pareil à l'horloge appelant les fidèles, quand l'épouse de Dieu se lève pour chanter matine à l'époux, invoquant son amour, en sorte qu'un rouage entraîne et presse l'autre, en sonnant du tintin l'agréable harmonie qui baigne dans l'amour les esprits bien dispos, je sentis s'ébranler la ronde glorieuse, et une voix répondre à l'autre avec un son, avec une douceur qu'on ne saurait connaître qu'au seul endroit où dure à tout jamais la joie.